rétrécisse, que nos vies privées dépérissent, et qu'une politique est de plus en plus répressive. Est-ce excessif de la qualifier de régressive? Est-ce pour me rassurer que je vois toute cette police? Alors comment est-ce possible que l'inverse se produise? Je dois être bien étrange, ou aurais-je quelque chose à me reprocher? Pourtant je n'ai rien fauché, ni n'en est le projet. Alors pourquoi les éviter du regard quand je passe? Votre col tient en laisse et ton fa sur ceinture noire. Je préfère ne pas les déranger dans leur devoir. Que font-ils à grouiller, patrouiller? Pourquoi me sentir verrouillé, tout est brouillé? Est-ce pour me protéger d'autrui? C'est bien aimable. Moi je n'ai pas de sixième sens pour discerner bien et mal. Je ne connais que peu les lois et ceux qui les votent. Alors est-ce moi qui débloque? Je n'ai rien contre les policiers, ne faites pas d'attitude déduction. Ce que je remets en cause, c'est la police en tant qu'institution. Qui peut m'assurer l'équilibre, la vertu de celui qui a reçu une insigne ainsi qu'une arme et son droit d'utilisation? Ceci avec dotation d'une assermentation. Qui peut m'assurer qu'il soit responsable, qu'il ne saurait abuser d'un quelque pouvoir? N'a-t-il pas comme nous tous des moments de fatigue, de panique, des réactions à chaud, des prises de parti, des baisses de lucidité, des pics d'irritabilité? N'est-il pas complexé ou bien sujet à la frustration, à la pression du groupe et du corporatisme en cas d'agression? Le climat s'alourdit grandement quand la politique est au rendement. La traque de délits mineurs devient affaire d'État. En quête de résultats, on mise sur le flair des stars. Dans ces conditions, la suspicion devient la méthode d'investigation, de prédilection. Les rondes s'apparentent à de la prédation. La délation est de mise, ainsi que la dégradation du climat social de la nation. Multiplie les fouilles et contrôle d'identité. Certains groupes sociaux se sentent visés, voire stigmatisés, car ciblés de façon systématique par la violence et tactique. Mauvais moment, mauvais endroit, avec la gueule de l'emploi, certains finissent en proie à l'empoigne. La politique de quota occasionne cocard et trauma dans un clivage total. Même les uniformes sont de grands palais d'estomac. Car je ne crois pas sadique, le gardien de la paix. Il souffre de ce climat où les tensions sont marquées. La police de proximité s'est vue effacer. Et mal aimé, normal que ses bavures persistent. Lui qui est monté contre ceux qu'il est censé servir. Car à ce que je sache, garder la paix, ce n'est pas jeter de l'huile sur les brasiers. Mais il semblerait que cette force s'assure avant tout du maintien de l'ordre économique. Elle punit le pauvre indirectement, tout en protégeant ceux qui ont de l'argent de ceux qui n'en ont pas. Et les animosités vont bon pas. Le policier sert des intérêts financiers qui me semblent certains, comme dans le maintien des pénitenciers. Il surveille les riches quartiers résidentiels, et même la concubine du président a le droit à l'escorte présidentielle. Il fait les descentes là où on lui demande, encercle les manifestants qu'on lui présente, et c'est précisément en se remettant à ses supérieurs qu'il se dédouane moralement et devient par ailleurs susceptible d'exécuter leurs erreurs. Dans ce cas dur de ne pas percuter les écueils. Alors à l'heure où l'eau est trouble sous les brassards, le suicide redouble dans les commissariats.